Je vivais comme un loup, manquant de volupté, errant dans ces souterrains oubliés. J'avançais sans arrêt, tombais épuisé. Quelle sombre histoire ce monde a exploré. Je bouffais, tu remblais, je marchais quand il fallait. Je dormais là où j'étais, allongé sur la pierre. Je ne savais jamais comment je sortirais des carrières enterrées et de tout leur mystère. On y trouve des relous, des vrais relous partout. Ce genre d'iconoclastes qui peuvent me rendre fou. Agissant en Erinie, je sors la poudre et l'allume. Une flamme un instant, alors je les enfume. Je bouffais, tu remblais, marchais quand bien, j'étais même catarrément bien, la tête sur les épaules et l'esprit sain. Dans le calme et le repos, perdu dans ce rêve urbain, sous la terre et dans la tête clandestin. J'étais au fond du trou, expert en excavation, décorant une salle de champignons. Je cherchais un accès, inestimable secret. D'un coup je trouve la foule, tout le monde savait.